Genèse, guide d'étude de la Bible, avril, mai, juin 2022, introduction du trimestre, le livre du commencement. La Genèse parle de Jésus, Jésus notre Créateur, Jésus notre soutien, Jésus notre Rédempteur. Des millénaires après que Moïse a rédigé le texte de la Genèse, l'apôtre Jean, revenant par-delà les siècles aux paroles mêmes du patriarche, révèle Jésus dans le récit de la création. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était la vie. Et la vie était la lumière des humains. Jean 1, au verset 1 à 4. Que dit Jean ici? Au commencement, toutes choses ont été faites, toutes choses qui n'existaient pas avant sont venues à l'existence par Jésus. Toute la création, depuis les galaxies, qui tournoient dans le cosmos telles d'impressionnantes toupies de feu et de lumière, jusqu'à l'ADN, tissée miraculeusement et avec une précision remarquable dans la cellule, en passant par les ondes de la physique quantique, Jésus a créé tout cela. Et le livre de la Genèse est la première histoire de la Bible qui raconte à la fois cette création et la rédemption de cette création. Là, dans ce livre, se trouve le seul récit officiel de nos origines. Le mot Genèse vient du mot grec Genesis, qui signifie commencement, qui à son tour vient de l'hébreu Bereshit, au commencement, les premiers mots de la Bible et donc de toute la Bible. Genèse nous donne le fondement, la base sur lequel tout le reste de la Bible repose. Du fait qu'il soit le premier et qu'il soit également fondateur pour tout ce qui vient après, la Genèse est probablement le livre le plus cité ou évoqué dans le reste des Écritures. Genèse est important parce que c'est le livre qui, plus qu'aucun autre, ou que ce soit, nous aide à comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Vérité particulière importante aujourd'hui, alors que nous ne sommes plus considérés que comme rien d'autre que le produit du hasard, des créations accidentelles d'un univers purement matérialiste. Ou, comme l'a dit un physicien, nous sommes une boue organisée, ce qui est vraiment, dans une certaine mesure, même si pour lui, seules les lois de la nature ont organisé cette boue. La Genèse, cependant, nous révèle notre véritable origine. Nous sommes des êtres créés intentionnellement et parfaitement à l'image de Dieu dans un monde parfait. La Genèse explique également la chute, c'est-à-dire pourquoi notre monde n'est plus parfait, et nous non plus. Mais la Genèse nous réconforte également avec la promesse de salut de Dieu dans un monde qui, en lui-même, ne nous offre rien d'autre que la souffrance et la mort. Après ces récits dramatiques de miracles, la création, les naissances et l'arc-en-ciel, et des jugements, le déluge, Sodome et Gomorre, qui témoignent de la sainte présence de Dieu, la Genèse impressionne. Mais la Genèse est aussi un livre avec d'émouvantes histoires d'amour, Jacob et Rachel, de haine, Jacob et Ésaü, de naissance, Isaac, Jacob, le fils de Jacob, de mort, Sarah, Rachel, Jacob, Joseph, de meurtre, Caïn, Siméon et Lévi, et le pardon, Ésaü et Jacob, Joseph et ses frères. C'est également un manuel avec les leçons d'éthique, Caïn, Abel, de foi, Abraham, Jacob, d'espérance et de promesse de rédemption, le serpent écrasé, la terre promise. Au cours de ce trimestre, nous ne nous contenterons pas de lire et d'étudier le livre de la Genèse. Nous profiterons de ces merveilleux récits et apprendrons à parfaire notre marche avec le Seigneur de la création, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En attendant le mouvement géographique du livre de l'Éden à Babel, à la terre promise, à l'Égypte, à la perspective de la terre promise, nous rappellent nos voyages nomades et nourrissent notre espérance pour la véritable terre promise, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Tandis que nous suivons les différents personnages dans les pages de la Genèse, nous découvrirons que, malgré les différences d'époque, de lieu, de culture et de circonstances, seules les histoires sont, à bien des égards, aussi un peu les nôtres. Cette introduction est écrite par Jacques Doucan, professeur émérite d'exégèse de l'hébreu et du Nouveau Testament au séminaire théologique adventiste de l'Université d'Andrews.